Radio Notre-Dame. Un autre regard. Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Bonsoir à tous, nous poursuivons notre exploration des sujets majeurs de cette élection présidentielle, tout en espérant qu'elle soit un tant soit peu providentielle, c'est-à-dire qu'on n'y oublie pas une des dimensions fondamentales de l'homme, la dimension spirituelle. Et justement, c'est exactement de cela dont il s'agit, puisque nous allons parler de laïcité, de la place de Dieu dans notre société, et l'on sait qu'en France, cette place ressemble plus à un strapontin prêt à se replier à la moindre occasion. Pourtant, il semble que l'islam soit venu bousculer les évidences et les habitudes, nous obligeons à penser cette question à nouveau frais et plus globalement, c'est la notion même d'appartenance à un pays qui est posée, car si le christianisme a modelé ce pays, sur quel socle aujourd'hui fonder le vivre ensemble? Rares sont ceux aujourd'hui qui pourraient reprendre à leur compte ce que disait le général de Gaulle. J'avais, écrivait-il, une certaine idée de la France. Pour en parler, nous sommes avec Paul-Marie Couteau, bonsoir. Bonsoir. Député européen, conseiller politique de Philippe de Villiers, vous êtes également l'auteur de Être et parler français, c'est aux éditions Perrin. Et puis pour vous porter la contradiction, nous serons tout à l'heure en ligne avec François Cher, ancien ambassadeur de France, président de la commission Église et Société au sein de la Fédération protestante de France. J'ajoute, mais vous en avez désormais l'habitude, que je suis en compagnie de Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bonsoir. Éditeur et théologien qui représente le site orthodoxie.com et puis Jean-Luc Mouton. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'hebdomadaire Réforme. Ceci étant dit, place à l'actualité. L'actualité, c'est cette semaine. François Bayrou qui réalise une percée dans les sondages. Au-delà de l'homme et de la conjoncture, c'est le phénomène qui intéresse Paul-Marie Couteau. Les Français sont-ils prêts à se rassembler au centre, à dépasser le clivage droite-gauche? Qu'en pensez-vous? Il y a quelque chose de frappant chez les Français et c'est plutôt un bon signe. Ils ont la nostalgie d'un pays uni, au fond. Vous avez peut-être observé que les derniers présidents de la République avaient réalisé en leur personne une sorte de synthèse très difficile à réaliser dans un monde qui est obnubilé par l'opposition entre la droite et la gauche. François Mitterrand avait une culture de droite, mais il avait réussi à être le porte-parole de la gauche. Jacques Chirac, c'est l'inverse. D'une certaine façon, on peut dire que voilà, vous me devancez, Aymeric Pourbet. D'une certaine façon, on peut dire que c'est l'inverse. Jacques Chirac avait plutôt une culture de gauche et il a réussi à être social-démocrate ou radical socialiste. On dit radical. Vous avez raison, monsieur Mouton, plutôt radical. Mais enfin, il avait réussi à être le porte-parole de ce qui est passé pour la droite. En principe, c'est le gaullisme qui est ni de droite ni de gauche. Et d'ailleurs, le parangon du président de la République sous la Ve République, c'est bien le général de Gaulle. Ou même Georges Pompidou, qui était ni à droite ni à gauche. Giscard a failli parce que lui, il passait pour nettement de droite. Et d'une certaine façon, cette nostalgie des Français pour l'unité, aujourd'hui, elle se polarise très normalement sur quelqu'un comme François Bayrou, qui dénonce le côté devenu artificiel, pour certaines questions, pas sur toutes, de l'opposition entre la droite et la gauche. C'est pour ça que je lui prédirais plutôt un assez gros score. J'ose pas le dire maintenant, mais je l'avais prédit il y a 6 mois. Et pour tout dire, lorsque s'est posée la question de la stratégie à adopter après le référendum gagné par les partisans du non, dont j'étais, ainsi que Philippe de Villiers, qui s'est spécialement illustré dans cette affaire, je souhaitais aussi que nous dénoncions l'opposition droite-gauche. Et d'une certaine façon, bon, reconnaissons les choses, ce positionnement, il est pris par François Bayrou, peut-être provisoirement, en tous les cas aujourd'hui. Jean-François Colosimo. On sait aussi que l'ambition de François Bayrou, à tort ou à raison, était de ranimer une sorte de tradition politique chrétienne, et que son ambition depuis longtemps était, je dirais, de rassembler tous les chrétiens, on pourrait dire, à partir de Philippe de Villiers jusqu'au centre-gauche, en quelque sorte, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas en train de réussir son pari quand on voit le chiffre annoncé, oui, par les sondages de Philippe de Villiers par rapport à celui de François Bayrou? Oui, mais alors il y a une dichotomie, il y a un indépassable aujourd'hui, et ça c'est la véritable opposition, plus que la droite et la gauche, c'est la question européenne, qui empêche le rassemblement dont vous parlez. La question européenne est à mon avis aussi importante aujourd'hui que l'était en 1960, la question algérienne, si vous voulez, c'est la question indépassable du temps. Tout simplement parce que d'elle dépend qu'il y ait une souveraineté, une légitimité, qu'il y ait un État, que le cadre de l'action politique soit encore la nation. Et tant que nous n'avons pas résolu cette question, la roue tourne d'ailleurs, puisque le débat constitutionnel est relancé ces jours-ci, au bon soin de Mme Merkel, indûment d'ailleurs, mais enfin on en reparlera peut-être. En principe, la Constitution est enterrée, c'est absurde de relancer le débat tel quel, sans même proposer de modification de la Constitution, comme le fait Mme Merkel. Bref, le débat est récurrent sur l'Europe. Tant qu'il ne sera pas réglé, il n'y aura pas de conciliation possible, fût-ce au centre, si vous voulez, entre les partisans de la supranationalité et les partisans du cadre national. Alors, je dirais malheureusement, on a déjà parlé d'Europe dans cette émission. Aujourd'hui, c'est la laïcité qui nous intéresse. Jean-Luc Mouton, une question d'actualité également sur ce point. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, il y en a des exemples déjà dans le nord de la France, mais ces derniers jours, on a vu une discussion à propos d'un nouveau collège ou lycée musulman qui serait ouvert à Décines dans la région de Lyon, près de Lyon. Il y a eu d'abord un avis assez négatif du rectorat et du préfet localement, et puis un avis aujourd'hui positif d'une commission nationale d'éducation nationale qui donne son accord pour l'ouverture d'un collège et d'un lycée musulman. Comment vous réagissez, vous comprenez, alors que on sait que vous agitez beaucoup la peur de l'islam, enfin en tout cas M. De Villiers joue beaucoup là-dessus, comment vous réagissez à l'ouverture d'un lycée, d'un collège musulman en France aujourd'hui? Est-ce que c'est pour vous quelque chose de grave, d'inquiétant? Monsieur Mouton, pas d'amalgame. Nous avons réagi pas directement contre l'islam. Quand des maires se plaignent à nous, je suis député par exemple, j'en ai eu des témoignages, des pressions exercées par des associations musulmanes pour que les piscines de leur village ou de leur ville soient ouvertes une après-midi, deux après-midi, trois matinées par semaine aux seuls musulmans. Pression d'ailleurs si forte que quelquefois ils cèdent, ils s'en repentent d'ailleurs. C'est tout à fait normal que nous nous élevions contre ce qui est une atteinte très simple à la question, au principe de la laïcité et même de l'égalité des Français dans le service public. Bon. Lorsque il en va de même pour, je ne sais pas, les plateaux repas dans les cuisines scolaires ou ce qui dépend de la municipalité, oui, c'est inadmissible. Alors, est-ce lutter contre l'islamisme? Non, c'est protéger les principes de la République, tout simplement. Jean-François Colosimo. Mais est-ce qu'ils sont si protégés? On sait très bien que, par exemple, les Juifs de France profitent de tolérance très importante, que certains grands examens ne se dérouleront jamais un samedi matin. Tout à fait. Que certaines dispositions sont prises dans les casernes pour aménager un régime de cache-route quand c'est possible, dans les écoles, enfin, etc. Pourquoi alors il y a une différence de traitement? Attendez, laissez-moi finir sur l'école, parce que j'ai en effet utilisé un détour pour répondre au thème précis de notre supposé prurite anti-musulman. Il est plus pro-républicain qu'anti-musulman, tel que je le conçois pour ma part. Est-ce que cette école musulmane, d'abord, apparemment le préfet en jugeait autrement, répond à tous les critères? Le préfet était opposé à cette ouverture. Est-ce qu'il a pris un prétexte parce qu'elle était musulmane, de ce que la salubrité, etc., n'était pas, ou les conditions de l'enseignement n'étaient pas requises? Apparemment, même le recteur était contre, donc il devait y avoir un petit problème quelque part. Mais la vraie question est de savoir si cette école musulmane est ouverte aux non-musulmans. Si elle n'est pas ouverte aux non-musulmans, je trouve qu'il y a plus qu'un problème. Il est très difficile d'accepter, remarquez, à ce moment-là, c'est un autre sujet, enfin, c'est le sujet connexe énorme de recomposer l'ensemble de la société, dès l'éducation, sur une logique communautaire. Bien entendu, c'est tout à fait contraire à la République française. Enfin. Alors justement, sur ce point du communautarisme, hein, puisque c'est cela que vous évoquez, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on y est déjà? Est-ce que la tentation nous guette, mais que nous n'y avons pas encore vraiment succombé? Je ne sais pas si c'est la tentation qui nous guette du communautarisme. C'est la pression qui se fait, à mon avis, assez irréel. Je veux dire, les Français n'ont pas envie de recomposer la société sur le mode communautaire. Ce n'est pas du tout dans nos manières d'être, dans nos principes depuis des siècles, et donc pas dans nos manières d'être. Mais il y a une espèce de pression qui vient de quelques associations agissantes, et je dois dire d'une complaisance médiatique extraordinaire certainement s'inspire du modèle américain. Sur ce sujet comme sur d'autres, le modèle de société de quelques élites prétendument françaises, serais-je polémique en disant cela, enfin qui ont plutôt un mode de vie et des aspirations et des rêves américains en tête, c'est soi-disant censé marcher aux États-Unis, ça ne marche pas d'ailleurs, le communautarisme, on en revient plus tôt. Mais 20 on ans, en revient 30 en Angleterre, ans retard, en Angleterre, c'est discuté par aux États-Unis aussi, aux États-Unis aussi, notamment les principes de discrimination positive que le ministre de l'Intérieur veut absolument imposer et qui, en Californie par exemple, sont peu à peu abandonnés parce que les résultats, notamment en matière d'éducation, sont catastrophiques. Mais les élites françaises, ou je ne devrais pas dire élites, je devrais dire les oligarchies françaises qui appartiennent beaucoup moins à l'univers français qu'une sorte d'univers international qu'a les États-Unis pour repère, veulent imposer absolument ce modèle. Alors je ne crois pas qu'il y ait une appétence du peuple français, mais il y a en effet un grand conflit entre le discours officiel médiatique, si vous voulez, relayé par quelques hommes politiques comme De Gaulle, mais aussi comme Sarkozy, ça fait beaucoup, qui veut imposer ce modèle. Pour notre part, nous nous y opposons farouchement. Jean-François Colosimo. Oui, Paul-Marie Couteau, est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de tout confondre là ? D'une part, le communautarisme, d'autre part, les communautés. Par exemple, les personnes âgées qui étaient inscrites dans des communautés lors de la fameuse canicule ne sont pas mortes, alors que celles qui étaient de purs citoyens ou citoyennes de la République ont été abandonnées. N'est-ce pas ? Ça, c'est un premier point. Hein, celles qui étaient inscrites dans des communautés de vie, celles qui étaient inscrites dans des communautés religieuses ont souvent été secourues parce qu'elles étaient entourées, alors que celles qui étaient parfaitement isolées sont mortes. Non, mais c'est un fait sociologique avéré pour le coup. Je veux dire, est-ce qu'un grand pays peut se passer de communauté ? Est-ce que toute communauté c'est un communautarisme ? Et deuxième point qui me semble assez important. C'est ça remplit Paul Marie Couteau dès l'arrêté. Voilà. Et deuxième point qui me semble assez important. Par rapport à cela, le modèle communautariste, par exemple, est en train de s'effondrer complètement dans les Pays-Bas. On le sait très bien. Les Pays-Bas et la France se retrouvent avec le même problème, en fait. Qu'on soit républicain ou qu'on soit pluricommunautaire, qu'on soit multiculturel ou qu'on soit monoculturel, ce qui se passe, c'est tout simplement, c'est que dans l'un ou l'autre cas, on se trouve face à une immense difficulté qui est d'absorber une immigration massive de nature culturelle plus que religieuse, musulmane. C'est ça le véritable problème. Non mais attendez... Beaucoup de choses. Je souriais, je voudrais expliquer le sourire qu'a trahi Mouton. Le fait est que je veux bien croire que les communautés sont plus protectrices pour que l'État républicain. Parce que les familles abandonnent leur... C'est ça le sujet. Les familles abandonnent leur devoir de solidarité le plus essentiel. Je sais très bien que la République est... D'ailleurs, il ne serait pas souhaitable que la République se mêlât d'absolument tout et se substituât à l'ensemble des liens qui sont d'ordre familiaux ou religieux, ou villageois, ou que sais-je. Le terroir, de langue, de tradition. J'étais étonné par votre référence à l'épisode de la canicule, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Simplement, c'est vous qui ne comprenez pas ce que j'ai dit précédemment. Voilà pourquoi je souriais, Jean-François Colosimo, parce qu'à mon avis, ça pose une question d'une toute autre nature, qu'il y ait des établissements publics aidés par l'État dans lesquels ne sont admis que les fidèles d'une seule religion. Voilà. Alors dans les faits, je pense que les deux sujets sont tout de même assez faciles à distinguer. Dans les faits, il y a un enseignement privé en France très large. Il y a un enseignement privé en France très large qui est subventionné pour partie par l'État, ce qu'on appelle les établissements sous contrat. Ils ne sont pas que catholiques. Il y a des établissements protestants. Certains sont célèbres, au moins un à Paris. Oui. Il y a des établissements juifs ou de confession juive. Évidemment, je dirais que ce sont surtout les établissements catholiques, en raison de leur lien avec l'histoire de France, de leur force, enfin, etc., qui ont tendance à accueillir des enfants de toutes sortes, toutes confessions, de toutes origines. Et vous ne les approuvez pas, je pense. Non, je ne les approuve pas. Mais c'est vrai que les établissements juifs, par exemple, accueillent beaucoup moins d'enfants non-juifs. Ça me semble aussi assez normal, puisque ces établissements veulent apporter enseignement religieux. Quel est leur statut vis-à-vis de l'État aussi, attention. Alors, certains sont hors contrat, certains sont sous contrat, il y a les deux. Hein. Est-ce que le fait d'être marqué par un héritage singulier qui n'est pas forcément disharmonique avec la République vous exclut, au fond, de l'espace public et de l'aide de l'État, etc. Bien entendu, c'est l'esprit qui compte. Vous savez très bien que... il y a eu pendant des siècles dans ce pays des églises, enfin en France, des écoles purement confessionnelles. Eh bien, je vais vous dire une chose qui va vous étonner, peut-être, qui va vous surprendre ou vous scandaliser, mais ça me paraît beaucoup plus naturel que la présence d'écoles uniquement musulmanes. Voilà, c'est très simple. Pour quelle raison ? Il faut expliquer. Parce que je pense que la France est davantage un pays chrétien qu'un pays musulman. Et que ce principe d'égalité stricte entre toutes les religions, il peut y avoir des écoles bouddhistes, il peut y avoir des écoles, je ne sais pas, enfin, la palette s'élargit sans fin. Des écoles évangéliques. Mais c'est une préférence, mais c'est une forme de préférence religieuse, ça. Et c'est ce que j'appellerais, en effet, d'une formule qui pourrait être inquiétante, une préférence religieuse. J'assumerai tout à fait préférence religieuse en France pour des raisons de civilisation, d'histoire et de civilisation, parce que je pense qu'une nation n'est rien d'autre que la somme de ses expériences historiques et de son acquis de civilisation. J'assumerai pleinement la préférence pour la chrétienté en France. Oui. Alors c'est un point important, on va y revenir, on s'interrompt quelques instants, Paul-Marie Couteau, et on revient tout de suite là-dessus, juste après un peu de musique. Radio Notre-Dame. On cherche tous son étoile, une bienveillante et à part. Quelqu'un à qui on parle, qui nous éclaire le regard. Une lueur qu'on retient, est-elle la même pour tout le monde, comme un destin commun. Dame, elle s'ignore même quand elle brille. Qu'on abuse de leur charme, tout existe ici. On prie la même étoile sans trop savoir si on partage le banal et éternel.